Les Pretenders avec le titre I Will Stand By You sur RGM. Un peu plus de 8h37, on fait maintenant un point anniversaire avec ceux qui sont nés un 4 septembre 1951, naissance de Martin Chambers, musicien britannique du groupe The Pretenders. 1957, naissance de Patricia Tallman, actrice américaine vue dans la série télé Babylon 5 dans le rôle de Lita Alexander, mais également dans FBI Portée Disparue, NCIS Enquête Spéciale, Castle ou encore Esprit Criminel. 1960, naissance de Damon Wayans, acteur américain connu pour son rôle de Michael Kyle dans la série télé Ma Famille d'abord ou encore son rôle de Roger Murtoff dans la série L'Arme Fatale. 1961, naissance de Cédric Clapiche, réalisateur, producteur, scénariste français à qui l'on doit Le Péril Jeune, un air de famille récompensé par le César du meilleur scénario original ou adaptation, L'Auberge Espagnole, Les Poupées Russes et Casse-tête Chinois ou encore Ma Part du Gâteau. 1965, naissance de Lisa Jane Smith, romancière américaine à qui l'on doit Journal d'un vampire, Night World, Le Cercle Secret ou encore Le Journal de Stephen, livre qui a fait plus tard la série Vampire Diaries. 1968, naissance de Natacha Hamal, actrice belge connue pour son rôle de Samantha Beaumont, dite Sam, dans la série Commissaire Moulin, son rôle d'Elisabeth Brochen, procureure dans Femme de loi, ou encore son rôle de Jeanne dans la saga de l'été Le Bleu de l'Océan. C'est également l'année de naissance de Phil Lewis, acteur américain, vu dans la série télé Les Frères Wayans dans le rôle de Tissy, Lizzie McGuire dans le rôle du principal Tweedy, La vie de palace de Zach et Cody et La vie de croisière de Zach et Cody dans le rôle de Mario Mosby. 1970, naissance de Richard Speight Jr., acteur américain vu dans Independence Day, Speed 2, la série télé Espion d'État, Jericho, Supernatural dans le rôle de l'embrouilleur alias l'archange Gabriel. 1972, naissance de Daniel Nestor, ancien joueur de tennis canadien ayant fait carrière de 1991 à 2018 en double. D'ailleurs, il a été numéro 1 mondial la première fois en 2002. Il a remporté 4 fois Roland Garros, 2 fois Wimbledon, 1 fois l'Open d'Australie et 1 fois l'US Open. En double mixte, à noter qu'il a remporté 3 fois l'Open d'Australie et 1 fois Wimbledon. Et aux Jeux Olympiques, il a remporté une médaille d'or en double. 1973, naissance de Mundir Zougari, plus connu sous le nom tout simplement de Mundir, candidat de télé-réalité, animateur de télévision français, également joueur de poker, qu'on a découvert dans la saison 3 de Koh-Lanta, dont il était candidat. Depuis 2016, il présente Mundir et les apprentis aventuriers et il participera à la saison 10 de Danse avec les stars en tant que candidat. D'ailleurs, la saison 10 qui démarrera le 21 septembre prochain. On ne connaît encore pas le nom de sa partenaire de danse, mais ça ne devrait pas tarder. 1974, naissance de Carmit Bachar, chanteuse américaine du groupe Pussycat Dolls entre 1995 et 2008. 1975, naissance de Kay Owen, acteur gallois connu pour son rôle de Rhys Williams dans la série télé Torchwood. 1978, naissance de Wes Bentley, acteur américain vu dans American Beauty dans le rôle de Ricky Fitz, Hunger Games dans le rôle de Seneca Crane, Interstellar, Mission Impossible Fallout dans le rôle d'Eric ou encore à la télévision dans American Horror Story. 1981, naissance de Beyoncé Knowles, chanteuse et également actrice américaine, vue dans Austin Powers dans Goldmember, La Panthère Rose, Dreamgirls. Elle est la voix originale du personnage de Nala dans Le Roi Lion qui est sorti il y a quelques semaines maintenant et qui fait un véritable carton au box-office. Elle a d'ailleurs fait la bande originale du film qu'on écoutera en toute fin d'émission. 1982, naissance de Lou Doyon, actrice mannequin française vue dans Mauvaise Fréquentation, Embrasser qui vous voudrez ou encore Police. 1986, naissance de Charlotte Lebon, animatrice télé et comédienne québécoise vue dans Astérix et Obélix au service de Sa Majesté dans le rôle d'Ophélia, L'écume des jours, Yves Saint Laurent dans le rôle de Victoire d'Outrelot, La Promesse. Elle était présentatrice météo, c'était la Miss Météo du Grand Journal. 1991, naissance de Carter Jenkins, acteur américain, connu pour son rôle d'Alex dans le film Valentine's Day, son rôle de Miles Barnett dans la série télé Surface, et vu également dans Lost, Les Experts Manhattan, Doctor House ou encore Les 4400. 1992, naissance de Levin Kurzawa, footballeur français professionnel depuis 2010. Entre 2010 et 2015, il a joué à Monaco et depuis 2015, il joue au Paris Saint-Germain. En 1993, décédé Hervé Vilches, acteur français connu pour son rôle de Tatou, l'assistant de Rourke dans la série télé L'île fantastique entre 77 et 83. Il a également interprété l'homme de main Trick Track dans le film L'homme au pistolet d'or, 9e film de la saga James Bond. Et en 2015, est décédée Sylvie Joly, actrice humoriste française vue dans Les Valseuses, Préparez vos mouchoirs, Les Misérables de Claude Lelouch, Les Visiteurs 2 ou encore Ma femme s'appelle Maurice. Allez, avant de s'écouter les Pussycat Dolls, on va faire un point sur les sorties cinéma, hein, comme tous les mercredis. On commence tout de suite avec le film Fourmi, comédie dramatique de Julien Rapneau avec François Damiens, Malôme Paquin ou encore André Dussolier. Un film d'animation, Les Hirondelles de Kaboul. On continue avec une comédie romance intitulée Andy de Julien Veil avec Vincent Elbaz, Alice Taglioni ou encore Jacques Weber. Autre film, Inséparable, comédie de Varant Soudjian avec Ahmed Silla, Alban Ivanov ou encore Judith Elzain. Et enfin, on termine avec un drame comédie intitulé Fête de famille de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuel Berco ou encore Vincent Macaigne. Allez, tout de suite, on s'écoute les Pussycat Dolls avec leur titre Dancha. Okay. Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this? Ooh, baby. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen, listen. You see the get hot every time I come through. When I step up in the spot, make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick, yes, I'm on the lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. And I know you want it. I know you want it. It's easy to see. And in the back of your mind, I know you should be on with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Don't you? Fight the feeling. Fight the feeling. Leave it alone. Leave it alone. Cause if it ain't love, it just ain't enough to leave a happy home. Let's keep it friendly. Let's keep it. You have to play fair. You have to play fair. See, yeah. I don't care, but I know she ain't gonna wanna share. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me? Don't you? Don't you, baby? Don't you? Don't you wish your girlfriend was raw like me? Raw. Don't you wish your girlfriend was fun like me? Big fun. Don't you? Okay, I see how it's going down. Don't you? Seem like shorty want a little menage to pop off or something. Let's go. Well, let me get straight to it. A broad won't watch it when I come through. It's the God Almighty looking all brand new. And shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like she really wanna do it. Try to put it on me till my black and bluish. You wanna play with a player girl and play on? Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty all on me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all if y'all can get close. I can hit the boat for y'all, don't worry about it. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Oh. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me? Don't you? Don't you, baby? Don't you? Alright, sing. Don't you wish your girlfriend girlfriend was wrong like me. Wrong. Don't you wish your girlfriend was. Les Pussycat Dolls avec leur titre Doncha sur le 107FM. Un petit peu plus de 8h47. Et avant de parler météo, un petit communiqué à vous dire. Le mouvement citoyen Nous voulons des coquelicots stop aux pesticides organise un rassemblement à Saint-Nabor ce vendredi 6 septembre à 18h30, place de la gare. Ce rassemblement a pour but d'exiger des responsables politiques l'interdiction des pesticides, herbicides, fongicides de synthèse. Toute la population est invitée à cette manifestation pour affirmer sa détermination d'un environnement et d'une alimentation sain et dépourvue de toute pollution. Chacune et chacun peut aussi soutenir ce mouvement en signant la pétition sur internet en se rendant sur le site nous voulons des coquelicots tout attaché.org. Allez, 8h48 tout pile, on fait un point météo. La météo. Eh bien, ce mercredi, ce sera encore une belle journée ensoleillée avec des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 24 et 27 degrés prévus pour cet après-midi. Jeudi, du soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 18 et 20 degrés prévus pour jeudi après-midi. Et vendredi devrait être une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin, entre 18 et 19 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, tout de suite, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et dans cette actualité, on va aller à deux extrémités, à l'Est et à l'Ouest. On va tout d'abord à l'Est, on parle basket avec les championnats du monde et la France qui a battu la Jordanie hier 103 à 64. Avec cette victoire, la France est d'ores et déjà qualifiée pour le second tour. À noter que cette rencontre s'est déroulée sans Nicolas Batum, touché à l'entraînement. Et à noter lors de cette rencontre la blessure à la cuisse pour Labéry. Nando Colo termine avec 19 points, meilleur marqueur et passeur. Rudy Gobert, 16 points, meilleur éval et rebondeur. Evan Fournier à 13 points. Jeudi, ce sera la finale du groupe contre la République dominicaine. Allez, après l'Est, on file à l'Ouest et on va parler tennis avec l'US Open. Il n'y a plus de Suisse après les éliminations de Wawrinka et Federer hier. Tout d'abord, Wawrinka s'est incliné en 4-7 face à Medvedev, 7-6, 6-3, 3-6, 6-1, et Federer s'est incliné en 5-7 face à Dimitrov, 3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2. Aujourd'hui, Gaël Monfils affrontera Berrettini et Rafael Nadal sera opposé à Schwartzman. Côté féminin, à noter hier la qualification de Svitolina en 2-7 face à Konta, 6-4, 6-4. Serena Williams n'a pas pris de gants et n'a pas traîné. Elle s'est imposée en 2-7, 6-1, 6-0 en 44 minutes pour remporter ainsi sa 100e victoire à l'US Open, s'il vous plaît. En double féminin, à noter l'élimination du double Mladenovic-Babos qui s'arrête donc en quart, éliminé par Barty et Azarenka. Aujourd'hui, Bencic affrontera Vekic et Andreescu sera opposé à Mertens. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Beyoncé. Le titre Spirit, je vous le disais, c'est la bande originale du film Le Roi Lion, encore au cinéma. your head up high. While you're trembling, that's when the magic happens. And the stars gotta fight by your side. Saying, rise up to the light in the sky. Let the light lift your heart up. Burn your flame through the night. Yeah. De Beyoncé sur RGM, un peu plus de 8h55 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien on va faire un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. Alors, en ce mercredi à 11h30, ce sera En route vers l'insertion avec Chris. Ensuite, à 20h, Nothing but the Blues. 21h, la rediffusion de Vivre et créer à la montagne avec Vincent. Et nous, eh bien on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.